Chapitre 7. Le lendemain, à 5 heures, quand Phyllis sonna, ce fut lui qui alla ouvrir, car Joseph, qui n'était jamais venu le dimanche, ne venait pas davantage maintenant. À peine entrée, elle voulut comme d'habitude se jeter à son cou, et avec un élan qui disait combien elle était heureuse de le voir. Mais de la main, il l'arrêta. « Qu'as-tu ? » demanda-t-elle paralysée et pleine de crainte. « Rien, ou tout au moins peu de choses. »« Contre moi ? » ?»« Certes non, chère petite. » « Tu es malade ? » ?»« Non, pas malade, mais j'ai des précautions à garder qui m'empêchent de t'embrasser. Je vais t'expliquer cela. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. »« Vite !» s'écria-t-elle en l'examinant pour tâcher de le devancer par la pensée. « Tu as des choses à me dire, toi ?»« Oui, et de bonnes, mais je t'en prie, parle d'abord. Ne me laisse pas dans cette inquiétude. »« Je t'assure que tu n'as pas à t'inquiéter, et quand je te parle ainsi, tu sais que tu dois me croire. Tu vois bien que je n'ai pas l'air inquiet moi-même. C'est pour les autres que tu t'inquiètes, jamais pour toi. Sais-tu ce que c'est que la pelade ? Non. C'est une affection spéciale du système pileux, les cheveux, la barbe, due à la présence dans l'épiderme d'une sorte de champignon. Eh bien, il est probable que j'aie gagné cette affection. C'est grave ? Ennuyeux et gênant pour un homme, mais désastreux pour une femme, puisqu'avant tout traitement, on doit commencer par couper les cheveux. Tu comprends donc que si, comme je le crois, j'ai la pelade, je ne vais pas t'exposer à te la donner en t'embrassant, car elle se transmet avec une extrême facilité par le contact, et alors il faudrait faire pour toi ce que je vais être obligé probablement de faire pour moi, c'est-à-dire te couper les cheveux. Chez moi, c'est insignifiant, mais ne serait-ce pas un meurtre de sacrifier ces belles mèches frisées qui donnent tant de charme à la physionomie ? Tu dis probablement. C'est que je ne suis pas encore tout à fait certain d'avoir la pelade. Il y a une quinzaine de jours, je me suis senti un léger prurite à la tête, et naturellement je n'y ai pas prêté attention. J'avais autre chose à faire, et d'ailleurs je n'allais pas pour une démangeaison me croire atteint d'une maladie parasitaire. Mais après un certain temps, mes cheveux sont devenus secs par plaques, ternes, et ils se sont arrachés facilement. Puis ils sont tombés spontanément. Je me suis dit que je m'occuperais de cela, mais je n'ai pas eu le temps et les jours se sont écoulés. D'ailleurs, dans le surménage que m'imposaient mes concours, il y avait des raisons plus que suffisantes pour expliquer la chute de mes cheveux. Enfin, aujourd'hui, peu de temps avant ton arrivée, ayant un peu de liberté, j'ai voulu savoir à quoi m'en tenir, et j'ai examiné au microscope un de ces cheveux malades. Si je n'avais pas été dérangée, je serais maintenant fixée. Reprends ton examen. J'ai le temps, d'ailleurs l'opération pour être complète ne se fait pas en quelques minutes. Après avoir étudié le cheveu, il faut rechercher les spores dans les pellicules épidermiques. Si c'est bien la pelade, comme j'ai lieu de le croire, demain tu me verras sans cheveux et sans barbe. Je n'hésiterai pas, malgré l'étonnement que je provoquerai en me montrant rasé. Mais qu'est-ce que cela fait ? Je ne peux pas dire à tout le monde je me suis fait couper les cheveux et la barbe parce que je suis atteint d'une maladie parasitaire. On sait qu'elle est contagieuse, cette maladie. Eh bien, des gens se sauveraient. Les cheveux coupés, que deviendra la maladie ? Avec un traitement énergique, elle disparaîtra rapidement. Avant peu, tu pourras m'embrasser si tu ne me trouves pas trop laid. Oh, cher ! Maintenant à toi. Tu viens de chez Madame d'Amauville ? Il n'avait pas besoin d'insister. Phyllis avait accepté assez bien son histoire pour qu'il fût rassuré de son côté. Ce ne serait point elle qui s'inquiéterait. Quant aux autres, l'embarras d'avouer une maladie contagieuse serait aussi une explication suffisante, si jamais il était obligé d'en fournir une. « Que t'a-t-elle dit ? » demanda-t-il. « Pour commencer, de bonnes et gracieuses paroles, qui montrent bien quelle excellente femme elle est. Après m'être présentée 2 fois chez elle hier, tu comprends que je n'étais pas à mon aise en lui demandant aujourd'hui de me recevoir encore. Comme je tâchais de m'en excuser, elle m'interrompit. « Je suis heureuse de voir votre dévouement pour votre frère, et vous n'aurez jamais à vous excuser de me demander mon concours. Il vous est acquis dans tout ce que je pourrai. » Ainsi encouragée, je lui expliquai ce que nous désirions d'elle. Mais contrairement à la promesse qu'elle venait de me faire, elle parut peu disposée à nous accorder ce concours. « Quelle singulière procédure » répéta-t-elle plusieurs fois. Sans pouvoir lui donner les raisons de M. Nougarède, je lui dis que nous étions obligés de nous conformer aux conseils de ceux qui dirigeaient l'affaire, et que je la suppliais de nous aider. Enfin, elle se laissa gagner, mais à regret, et en protestant. « Je ferai ce que vous voudrez, me dit-elle, mais je ne puis pas vous assurer que les personnes de mon entourage et les gens à mon service n'ont pas parlé. De même, je ne peux pas vous promettre de quitter ce lit pour me rendre à la cour d'assises le jour de l'audience. Il y a un an que je garde la chambre. On me promet un mieux prochain. Elle compte se lever bientôt ?» interrompit Saniel. Je te répète ces paroles auxquelles j'ai prêté assez d'attention pour ne pas les oublier. On me promet un mieux prochain, mais se réalisera-t-il ? Je vais presser mon médecin pour qu'il me donne une réponse, et quand vous reviendrez me voir, je vous la communiquerai. Profitant de la porte qu'elle m'ouvrait, je mis l'entretien sur ce médecin. Il me semble, mais je n'en suis pas certaine, qu'il n'a en lui qu'une confiance relative. Il était le camarade de classe de son mari, ainsi que de son beau-frère, le notaire. Il est le parent ou l'ami de toutes les personnes qu'elle voit. Il marie les filles, rompt les liaisons compromettantes des garçons, raccommode les ménages qui vont mal, confesse les femmes, distrait les maris, choisit les domestiques, et par-dessus le marché, quand l'occasion s'en présente, il soigne ceux qui sont malades, les guérit quand ça se trouve, ou les laisse mourir au hasard. Tu vois quelle catégorie de médecin il appartient. Je t'ai dit que je le connaissais. Vois si je me suis trompée, et à ce que je te rapporte, ajoute ce que tu sais déjà. Effrayée de voir en quelles mains se trouvait Madame d'Amauville, j'ai pris tous les chemins détournés que j'ai pu m'ouvrir, et j'ai fini par savoir, sans le lui avoir demandé directement, qu'elle n'avait pas vu d'autre médecin depuis un an. Au moment où la paralysie s'est déclarée, il y a eu une consultation, et depuis elle s'est contentée du docteur Balzagette, non pas tant par indifférence ou par incrédulité, par désespérance ou par apathie, que pour ne pas le contrarier. « C'est un si brave homme, m'a-t-elle dit. Pourquoi lui faire de la peine ? Ma maladie a été établie par la consultation. » Il la soigne aussi bien que le ferait un autre. Saniel trouva l'occasion bonne pour revenir sur la maladresse qu'il avait commise en exprimant franchement son opinion sur le solennel Balzagette. « C'est probable, dit-il. Est-ce certain ? Crois-tu que depuis un an, il ne se soit rien présenté dans la maladie de Madame d'Amauville qui aurait exigé un traitement nouveau, que le colonel Balzagette était incapable de trouver à lui tout seul ? Il n'est pas si nul que tu le supposes. « Mais c'est toi qui parles de nullité. » Diagnostiquer une maladie et la traiter sont deux choses. C'est la consultation dont tu parles qui a établi la maladie de Madame d'Amauville et institué le traitement que Balzagette n'a qu'à appliquer. Et sa capacité, je te l'assure, suffit à cette tâche. Comme il se montrait peu rassuré, il crut devoir insister, car c'était une imprudence de laisser Phyllis férue de l'idée que s'il soignait Madame d'Amauville, sûrement il la guérirait. Fallut-il pour cela un miracle ? Nous avons un certain temps devant nous, puisque l'ordonnance de renvoi devant les assises n'est pas encore rendue. D'autre part, Madame d'Amauville t'a promis de presser son médecin pour savoir s'il espère la mettre en état de quitter son lit bientôt. Attendons donc. Ne vaudrait-il pas mieux agir qu'attendre ? Au moins, attendons la réponse de Balzagette à la demande de sa malade. Ou elle sera satisfaisante, et alors nous n'aurons rien à faire, ou elle ne le sera pas, et alors je te promets de voir Balzagette. Je le connais assez pour pouvoir lui parler de ta cliente, alors surtout qu'il m'ait permis, en faisant intervenir ton frère, de m'intéresser ouvertement à son rétablissement. « Oh, cher, cher !» murmura-t-elle dans un élan de reconnaissance émue. « Tu ne peux pas douter de mon dévouement, à toi d'abord et à ton pauvre frère ensuite. Tu m'as demandé une chose impossible que j'ai dû à mon grand regret te refuser. » Précisément par cela qu'elle était impossible. Mais tu le sais bien, je suis à toi et au tien entièrement. Pardonne-moi. Je n'ai rien à te pardonner. À ta place, je penserai comme toi. Mais je crois qu'à la mienne, tu agirais comme moi. Sois certain que je n'ai jamais eu dans le cœur une idée de blâme pour ce qui est chez toi affaire de dignité. C'est parce que tu es haut et fier que je t'aime si passionnément. Elle se leva. Tu pars ? Dit-il. Je voudrais porter à maman les bonnes paroles de Madame d'Amauville. Tu sens avec quelle angoisse elle m'attend. Partons, je te quitterai au boulevard pour monter chez Nougared. L'entrevue avec l'avocat fut courte. Vous voyez, cher ami, que mon plan est bon. Amenez-moi Madame d'Amauville à l'audience et nous passerons quelques instants agréables. Cette fois, Saniel n'eut pas les hésitations de la veille et il entra dans la première boutique de coiffeur qu'il trouva sur son chemin. M. Monsieur veut une frisure ? Demanda le garçon en le faisant asseoir dans un fauteuil. Non, coupez-moi les cheveux à la tondeuse et rasez-moi. Ah, par exemple. Quand Saniel rentra chez lui, il alluma deux bougies et les posant sur sa cheminée, il se regarda dans la glace. La coquetterie n'avait jamais été son péché et il lui était souvent arrivé de passer des séries de semaines sans arrêter ses yeux sur une glace. Un débarbouillage avec un torchon rude, un coup de peigne à ses cheveux, un fort brossage à sa barbe, sa cravate nouée à la diable, et c'était toute sa toilette pour laquelle les miroirs ne lui servaient à rien. Cependant, quand il était jeune garçon, avant que la barbe lui poussât, il était quelquefois resté devant la petite glace de son lavabo à s'étudier avec curiosité, se demandant ce qu'il était et ce qu'il deviendrait, de même que réfléchissant à son avenir et sondant son intelligence, il s'était demandé à quoi il serait bon et quel homme la vie ferait de lui. Et de cette époque, il se rappelait un visage énergique, aux traits nettement dessinés, à la physionomie ouverte et franche, qui, sans être ce qu'on appelle joli, n'était cependant pas désagréable. Depuis, la barbe, en poussant, avait caché quelques-uns de ses traits et changé cette physionomie. Mais maintenant qu'elle était tombée, il se disait, sans trop réfléchir, qu'il allait sans doute retrouver le jeune garçon dont il avait gardé l'image dans sa mémoire. Ce qu'il trouva devant la glace, ce fut un front plissé transversalement, des sourcils obliques, relevés à l'extrémité interne, et une bouche aux lèvres serrées, abaissées au coin. Des sillons étaient creusés dans les joues, et toute la physionomie, heurtée, ravagée, exprimait la dureté. Qu'était devenue celle du jeune homme d'autrefois ? Il avait devant lui l'homme que la vie avait fait et dont les violentes contractions des muscles de la face avaient modelé le visage. « Voilà bien vraiment une gueule d'assassin » murmura-t-il. Puis, regardant sa tête rasée, il ajouta avec un triste sourire. « Et peut-être celle d'un condamné à mort dont la toilette vient d'être faite pour la guillotine. » Chapitre 8. S'être rendu méconnaissable était sans doute une bonne précaution. Mais entrer dans cette voie, il ne serait tranquille que quand il les aurait épuisées toutes, et de telle sorte que Madame d'Amouville ne put jamais retrouver l'homme qu'elle avait si bien vu sous la lampe de café. Précisément parce qu'il n'était pas coquet et n'avait aucune prétention à la beauté ou à la séduction, il avait échappé à la manie photographique. Une seule fois, il s'était fait photographier, et encore, malgré lui, après s'être défendu, simplement pour ne pas refuser sans raison un ancien camarade qui, abandonnant la médecine pour la photographie, avait voulu sa tête. Mais maintenant, cette seule fois était de trop, car il pouvait y avoir un danger à ce que son portrait, fait 3 ans auparavant, et le représentant avec ses cheveux et cette barbe qu'il venait de supprimer, traînât de par le monde. Sans doute, il y avait peu de chances pour que jamais il en passât une épreuve devant les yeux de Madame d'Amouville. Mais n'en exista-t-il qu'une contre 100 000, il devait s'arranger pour n'avoir pas à la craindre. Un journal avait bien publié le portrait de Florentin. À un moment donné, et dans certaines circonstances qu'on ne pouvait pas prévoir, mais possibles à la rigueur, un autre journal publierait peut-être aussi le sien. Il ne fallait pas que cela fût. Et pour son repos, il ne voulait pas se dire que ce danger pouvait le menacer. De ce portrait, son camarade lui avait offert 12 épreuves. Et comme ses relations n'étaient pas nombreuses, il les gardait encore dans un tiroir pour la plus grande partie. Il en avait envoyé un à sa mère, encore vivante à ce moment, un au curé de son village, et plus tard il en avait donné un à Phyllis. Il devait donc lui en rester 9. Il les chercha, et les ayant trouvés dans leur boîte au fond du tiroir où il les avait mis quand il les avait reçus, il les brûla immédiatement. Des 3 qui restaient, un seul pouvait porter témoignage contre lui, celui de Phyllis, mais il lui serait facile de le reprendre en inventant un prétexte. Quant aux 2 autres, il n'était pas admissible vraiment qu'il en eût jamais rien à craindre, celui de sa mère étant passé aux mains d'une vieille tante qui le gardait accroché par 4 clous au mur enfumé de sa maisonnette, celui de son curé étant caché au fond d'un village perdu où personne n'irait le déterrer. Mais d'où le danger pouvait surgir et d'où il était sage de l'attendre, c'était du côté du photographe qui avait peut-être des épreuves en main et qui sûrement conservait le cliché. Ce fut sa première démarche du lendemain. En entrant dans l'atelier de son ancien camarade, il éprouva une désagréable déception qui le troubla et l'inquiéta. Il n'avait pas donné son nom, et comptant sur les changements que la coupe de ses cheveux et de sa barbe apportait à sa physionomie, il s'était dit que ce camarade, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps d'ailleurs, ne le reconnaîtrait certainement pas. Lorsqu'il eut fait quelques pas dans l'atelier, le chapeau à la main, en étranger qui va aborder un inconnu, il vit venir à lui le photographe, la main tendue, le sourire d'un accueil amical sur le visage. « Vous, mon cher, quelle bonne fortune me vaut le plaisir de votre visite. Puis-je vous être utile à quelque chose ?»« Vous me reconnaissez ?»« Comment si je vous reconnais ? C'est pour la suppression de votre barbe et de vos cheveux que vous me le demandez ?»« Évidemment, cela vous change et vous donne une nouvelle physionomie. Mais je serais indigne de mon métier si par un arrangement de chevelure je me laissais dérouter au point de ne pas vous reconnaître. D'ailleurs, des yeux d'acier comme les vôtres ne se laissent pas oublier. C'est un signalement, cela, et une signature. » Alors ce moyen en qui il avait mis tant de confiance n'était qu'une imprudence nouvelle, comme la question « Vous me reconnaissez donc ?» était une maladresse. « Nous allons poser tout de suite, n'est-ce pas ?» dit le photographe. « Très curieuse, cette tête rasée, et plus intéressante encore, je crois, qu'avec la barbe et les cheveux. Les traits de caractère s'accusent mieux. » Ce n'est pas pour un nouveau portrait que je viens, c'est pour l'ancien. En avez-vous des épreuves? Je ne crois pas, mais on va chercher. En tout cas, si vous en voulez, il est facile de vous en tirer, puisque j'ai le cliché. Voulez-vous faire ces recherches? Car je n'ai plus une seule épreuve de celle que vous m'avez donnée. Et en me regardant ce matin devant ma glace, j'ai trouvé de tels changements entre ma figure d'aujourd'hui et celle d'il y a 3 ans que je voudrais les étudier. Il m'est venu à ce propos des idées sur l'expression de la physionomie dont je voudrais contrôler l'exactitude avec pièces à l'appui. Les recherches faites par un commis n'amenèrent aucun résultat. Il n'y avait pas d'épreuve. Justement, il y a quelques jours, je pensais à en faire tirer, dit le photographe, car voilà enfin venu pour vous le jour de gloire où votre portrait a sa place marquée dans les vitrines et les collections. On ne parle que de vos concours. Bien que j'aie abandonné la médecine sans esprit de retour, je ne suis pas devenu indifférent à ce qui la touche, et j'ai connu vos succès. Quel portrait mettrons-nous en circulation? L'ancien ou le nouveau? Le nouveau. Alors préparons-nous pour la pose. Pas aujourd'hui, c'est d'hier seulement que je me suis fait raser, à la suite d'une menace de pelade, et la peau recouverte par la barbe a gardé une crudité de blancheur qui accentuerait encore la dureté de ma physionomie, ce qui est vraiment inutile. Nous attendrons donc que l'air m'ait bruni un peu. Alors je reviendrai, je vous le promets. Combien voulez-vous d'épreuves de votre ancien portrait? Une me suffit. Je vous en enverrai 12. Ne prenez pas cette peine, je les prendrai quand je viendrai poser. Mais en attendant, ne pourriez-vous pas me montrer le cliché? Rien de plus facile, on va vous l'apporter. En effet, on l'apporta bientôt, et Saniel prit la plaque de verre du bout des doigts, délicatement, avec précaution, aux deux coins opposés, de façon à ne pas l'effacer. Puis, comme il se trouvait dans l'ombre d'un rideau bleu tendu sous le vitrage, il en sortit pour se diriger vers la cheminée, où la lumière tombait crue, et il commença son examen. « C'est bien cela, disait-il. Très curieux. Il n'y a que la photographie pour avoir cette valeur documentaire. » Pour comparer ce document avec la réalité, Saniel se rapprocha encore de la cheminée, au-dessus de laquelle se trouvait une glace. Quand ses pieds touchèrent la plaque de marbre qui formait l'encadrement du foyer, il s'arrêta, regardant alternativement le cliché qu'il tenait précieusement dans ses mains et son visage que reflétait la glace. Tout à coup, il poussa une exclamation. Il venait de lâcher le cliché, qui, tombant bien à plat sur le marbre, s'était cassé en petits morceaux qui avaient sauté çà et là. « Quel maladroit je fais !» Il montra un dépit qui ne devait pas laisser le plus petit doute au photographe au cas où celui-ci en aurait eu. C'était un élément de travail perdu, et tous ceux qui ont travaillé savent qu'on n'accepte pas de gaieté de cœur une pareille déception. « Il faudra vous procurer une des épreuves que vous avez données, » dit le photographe, « car pour moi je n'en ai pas une seule, mais cela ne doit pas être impossible. » Je chercherai. » Ce qu'il chercha en sortant, ce fut de savoir si oui ou non il avait réussi à se rendre méconnaissable, car il ne pouvait pas s'en tenir à cette expérience, faussée par cela seul que cet ancien camarade était photographe. C'était chez lui affaire de métier, de noter les traits typiques qui distinguent une physionomie d'une autre, et il avait acquis dans une longue pratique une sûreté de coup d'œil que ne pouvait pas posséder Madame d'Amauville. Parmi les personnes avec lesquelles il avait des relations, il lui sembla que celle qui se trouvait dans les meilleures conditions pour donner un caractère de certitude à l'épreuve était Madame Cormier. Et tout de suite, il monta au Batignolles. À 7 heures, il savait Phyllis sortie pour une leçon. Madame Cormier serait seule, et comme elle n'avait assurément pas été prévenue par sa fille qu'il devait se faire raser, l'expérience se présenterait de façon à donner un résultat aussi exact que possible. À son coup de sonnette, ce fut Madame Cormier qui vint ouvrir, et il salua sans qu'elle le reconnût. Mais comme l'entrée était sombre, cela n'avait pas grande signification. Le chapeau à la main, il la suivit dans la salle à manger, sans parler, pour que la voix ne le trahît point. Alors, après qu'elle eut regardé un moment, avec une surprise inquiète d'abord, elle se mit à sourire. « Mais c'est Monsieur Saniel ? » s'écria-t-elle. « Mon Dieu, que je suis sotte de ne pas vous avoir reconnu. Cela vous change tellement de vous être fait raser. Pardonnez-moi. C'est parce que je me suis fait raser que je viens vous demander un service. À nous, cher monsieur ? Ah, parlez vite, nous serions si heureuses de vous prouver notre reconnaissance. » Je voudrais prier Mademoiselle Phyllis de me rendre, si elle l'a encore, une photographie que je lui ai donnée il y a 1 an environ. Comme Phyllis voulait avoir la liberté d'exposer cette photographie franchement pour la garder toujours devant elle, c'était en présence de sa mère qu'elle l'avait demandée et en présence de Madame Cormier que Saniel l'avait donnée. « Si elle l'a toujours ? » s'écria Madame Cormier. « Ah, cher monsieur, vous ne savez pas la place que toutes vos bontés et les services que vous nous avez rendus vous ont acquises dans notre cœur. » Et passant dans la pièce voisine, elle en rapporta un petit cadre en velours dans lequel se trouvait la photographie. Saniel l'en retira en expliquant l'étude pour laquelle il en avait besoin, et après avoir promis de la rapporter bientôt, il s'en revint chez lui. Décidément, tout avait bien marché. Le cliché détruit, les preuves de Phyllis entre ses mains, il n'avait plus rien à craindre de ce côté. Quant à l'expérience tentée sur Madame Cormier, elle était assez décisive pour lui inspirer pleine confiance. Si Madame Cormier, qui l'avait vue si souvent, si longuement, et qui pensait à lui à chaque instant, ne l'avait pas reconnue, comment admettre que Madame d'Amauville, qui ne l'avait aperçue que de loin et pendant quelques secondes seulement, le reconnaîtrait après plusieurs mois? L'écueil était donc heureusement franchi, et si périlleux qu'il eût tout d'abord paru, il n'aurait pas dû lui faire perdre la tête. Ne s'habituerait-il donc jamais à l'idée que sa vie ne pouvait pas avoir la tranquille monotonie d'une existence bourgeoise, qu'elle éprouverait des heurts et des orages, mais que s'il savait rester toujours maître de sa force et de sa volonté, il devait la mener à bon port? Le calme qui était le sien avant cette bourrasque lui revint donc bien vite, et quand les dernières épreuves de ses concours, confirmant les succès des premières, lui eurent donné les 2 titres qu'il avait si ardemment désirés et poursuivis au prix de tant de peines, de tant d'efforts, de tant de privations, il put en toute sécurité jouir de son triomphe. Enfin, il tenait le présent dans des mains vigoureuses et l'avenir était à lui. Maintenant, il pouvait marcher droit, hardiment, la tête haute, en bousculant ceux qui le gênaient d'une allure qui était celle de son tempérament. Bien que ces derniers mois eussent été terriblement agités pour lui par tout ce qui touchait à l'affaire de Cafier et de Florentin, et surtout par les fatigues, les émotions, les fièvres de ses concours, il n'avait cependant pas interrompu ses travaux particuliers ni 1 jour ni 1 heure, et ses expériences poursuivies depuis tant d'années lui avaient enfin donné des résultats importants que la prudence seule l'avait empêché de publier. En opposition avec l'enseignement officiel de l'école, ces découvertes auraient fait dresser les cheveux sur de vieux crânes où depuis longtemps on n'en voyait plus, et ce n'était pas le moment, quand il demandait la porte, de s'attirer l'hostilité de ces vénérables portiers qui barreraient le chemin à un révolutionnaire. Mais maintenant qu'il était dans la place pour 10 ans au moins, il n'avait plus de ménagements à garder, ni pour les personnes, ni pour les idées, et il pouvait parler. Chapitre 9. Saniel avait vu son collègue, le solennel Balzagette, et assez adroitement pour ne provoquer ni la surprise ni le soupçon, il avait pu lui parler de Madame d'Amauville, à laquelle il s'intéressait incidemment. Sans insister, en passant, et seulement pour justifier sa question, il avait expliqué la nature de cet intérêt. Pour être solennel, Balzagette n'en était pas moins bavard, et même c'était sa solennité qui faisait son bavardage. Il s'écoutait parler. Et quand les jambes légèrement écartées, il était bien posé sur un trottoir pas trop étroit, bombant la poitrine, appuyant son menton rose rasé de frais sur sa cravate blanche, décrivant dans l'air, de sa main baguée, des gestes nobles et démonstratifs, on pouvait, si on avait la patience de l'écouter, lui faire dire tout ce qu'on voulait, car il était convaincu que son interlocuteur passait un moment agréable dont le souvenir ne s'effacerait pas. Ses malades pouvaient l'attendre dans la douleur ou dans l'angoisse. Il n'en hâtait pas le majestueux débit de ses phrases ronflantes aux adjectifs choisis, et à moins qu'il ne se rendît à une invitation à dîner, ce qui lui arrivait 5 jours au moins par semaine, il ne vous lâchait qu'après vous avoir fait partager l'admiration qu'il professait pour lui-même. C'était à une affection de la moelle qu'était due la paralysie de Madame d'Amauville. Par conséquent, elle était parfaitement guérissable, et même Balzagette s'étonnait qu'avec son traitement et ses soins, cette guérison se fît attendre. Mais que vous dirais-je, jeune confrère? Vous savez mieux que moi qu'avec les femmes tout est possible, surtout l'impossible. Et pendant une demi-heure, il avait complaisamment raconté les étonnements que causaient à son savoir et à son expérience les femmes du monde qu'il soignait. Certainement, il n'entendait pas contester les leçons que le médecin reçoit à l'hôpital. À Dieu ne plût qu'il eût pareille outrecuidance. Mais combien plus variée, combien plus complète, combien plus profonde était celle que donnait la clientèle mondaine quand on était assez heureux pour s'en être créé une. Enfin, pour me résumer, que vous dirais-je, jeune confrère? Et ce qu'il avait dit et redit, expliqué et réexpliqué avec des digressions enchevêtrées les unes dans les autres, c'était comment il voulait remettre sa cliente sur pied avant peu. Certainement, il n'entendait pas contester les travaux récents publiés sur l'anatomie pathologique des lésions médulaires. À Dieu ne plût qu'il eût une pareille outrecuidance. Mais l'expérience est l'expérience, et sans forfanterie, il croyait pouvoir compter sur celle que 30 années de pratique dans sa clientèle mondaine lui avait acquise. On ne traite pas une duchesse comme une marchande des 4 saisons, n'est-ce pas, mon jeune confrère? Bien qu'en dehors d'un journal boulevardier, Balzagette ne lut rien et n'ouvrit jamais un livre pour se tenir au courant, cependant la jeune réputation de Saniel était venue jusqu'à lui, par ses oreilles, et précisément parce qu'elle était jeune, il tenait à ménager ce confrère qui semblait appelé à se faire une belle place. Malgré la haute estime qu'il professait pour ses mérites et sa personne, il n'était pas sans savoir vaguement que les médecins de sa génération, arrivés à de grandes situations, ne le traitaient pas avec toute la considération qu'il s'accordait lui-même, et pour donner une leçon à ses anciens camarades, il était bien aise de nouer de bonnes relations avec un jeune dans le mouvement. Il parlerait de son jeune confrère Saniel. Vous savez, celui qui vient d'être nommé agrégé. Et il raconterait les conseils que lui, Balzagette, lui avait donnés. Que Madame d'Amauville fût remise sur pied par cette vieille baderne en temps pour venir à l'audience, Saniel en doutait fort, surtout après que Balzagette lui eût expliqué son traitement. Mais avec la situation que lui aurait faite cette comparution, il ne pouvait que s'en réjouir. Sans doute il serait fâché pour Florentin de n'avoir pas ce témoignage et de ne pas profiter du coup de théâtre préparé par Nougarède. Mais pour lui-même, il ne pouvait que s'en trouver heureux. Malgré toutes les précautions qu'il avait prises, mieux valait ne pas s'exposer à une rencontre avec Madame d'Amauville dans la chambre des témoins ou même à l'audience. On s'en tiendrait à une lettre appuyée par la déposition de Balzagette, et Florentin n'en serait pas moins acquitté. Seul Nougarède aurait à regretter son coup de théâtre. Mais il n'avait pas à s'inquiéter des satisfactions ou des déceptions de Nougarède. Bien entendu, il n'avait pas dit à Phyllis les idées que son entretien avec Balzagette lui avait suggérées, se contentant de lui résumer les conclusions de cet entretien. Avant peu, Madame d'Amauville serait sur pied. Balzagette l'affirmait. S'il n'était pas un maître infaillible, il en savait assez pour qu'on pût ajouter foi à sa parole. Puisqu'il promettait un mieux rapide, on devait croire à ce mieux. Florentin serait sauvé. Il n'y avait qu'à laisser aller les choses. Elles étaient en bonne voie, en aussi bonne que si on les avait soi-même dirigées. Et Phyllis, Madame Cormier, Nougarède, Florentin lui-même, que la cellule de Mazas n'avait cependant réconcilié ni avec l'espérance, ni avec la justice providentielle, s'étaient tous complus dans cette idée. Aussi, quand la chambre des mises en accusation renvoya Florentin devant les assises, l'émoi ne fut-il pas trop violent chez Madame Cormier et Phyllis. Madame d'Amauville serait en état de faire sa déposition, puisque la veille même elle avait pu quitter son lit. Et bien qu'elle ne fût restée levée qu'une heure, bien qu'elle n'eût pu sortir de sa chambre que pour aller dans son salon, cela suffisait. Nougarède disait que l'affaire viendrait à la seconde session d'avril. D'ici là, Madame d'Amauville serait assez solide sur ses jambes pour paraître devant le jury et enlever l'acquittement. Avec Phyllis, Saniel avait répété que la guérison était certaine, et avec elle aussi, il s'en était hautement réjoui. Mais tout bas, il n'avait pas été sans s'inquiéter de cette guérison. Cette rencontre, dont l'idée seule l'avait épouvanté au point de lui faire perdre la tête, allait donc se produire, et dans des conditions qui ne pouvaient pas ne pas l'émouvoir. À la vérité, les précautions qu'il avait prises devaient le rassurer. Mais enfin, il n'en restait pas moins une incertitude troublante. Qui pouvait savoir? Il eût préféré qu'elle ne quittât pas sa chambre, comme le traitement de Balzagette le donnait à prévoir, et que Nougarède trouvât un moyen pour obtenir sa déposition sans qu'elle l'apportât elle-même. Il se fût senti plus rassuré, et s'eût été d'un esprit plus tranquille, avec un visage plus impassible, qu'il se fût rendu à l'audience. Était-il vraiment méconnaissable? C'était la question qui maintenant l'obsédait. Et plusieurs fois par jour, il se plaçait devant une glace, la photographie qu'il avait prise chez Phyllis à la main, et longuement il comparait sa physionomie actuelle avec celle du portrait. Parfois il trouvait que les dissemblances étaient telles que quelqu'un qui ne saurait pas à l'avance que ces deux physionomies appartenaient à la même tête ne l'imaginerait jamais. Mais d'autres fois c'était des points de contact qui le frappaient. Et alors il se disait qu'il pouvait aussi frapper Madame d'Amauville. La barbe, les cheveux étaient tombés. Mais les yeux, ses yeux d'acier, comme disait son ancien camarade le photographe, ils étaient restés, et rien ne pouvait les changer ni les cacher. Un moyen s'offrait, porter un lorgnon bleu ou des lunettes, se blesser dans une expérience de chimie qui lui imposerait un bandage. Mais ce serait un déguisement qui provoquerait la curiosité et des questions d'autant plus dangereuses qu'il coïnciderait avec la suppression de la barbe et des cheveux. Pourquoi donc a-t-il cherché à changer si complètement sa physionomie? Il ne fallait pas qu'on se demandât cela, car ce serait ouvrir une piste qui pouvait mener loin. Mais ses inquiétudes ne le tourmentèrent pas longtemps, car Phyllis, qui maintenant passait tous les jours rue Sainte-Anne prendre des nouvelles de Madame d'Amauville, arriva un soir désespérée et lui annonça que ce jour-là, la malade n'avait pu rester levée que quelques minutes et qu'elle avait dû reprendre le lit. Elle n'irait donc pas à l'audience. Cette appréhension de se rencontrer face à face avec Madame d'Amauville avait fini par l'exaspérer. Il se trouvait lâche de la subir, et puisqu'il n'avait pas la force de la secouer, il était heureux de s'en trouver débarrassé par la seule intervention du hasard, qui, après lui avoir été mauvais si longtemps, lui devenait favorable. La roue tournait. « Vois Madame d'Amauville tous les jours, dit-il à Phyllis, et note tout ce qu'elle ressent. Peut-être trouverai-je, pour réparer cet accroc, quelque chose que je suggérerai à Balzagette sans qu'il se doute de rien. D'ailleurs, il est à croire que la recrudescence de froid que nous subissons entre pour une bonne part dans sa rechute, et il est probable qu'avec un peu de chaleur printanière, elle ira mieux. » Il avait voulu, par ce conseil, endormir l'inquiétude de Phyllis et gagner du temps. Ce fut précisément le contraire qui arriva. Dans son angoisse qui s'accroissait à mesure qu'approchait le procès, ce n'était pas à des probabilités, pas plus qu'à l'influence incertaine du printemps, que Phyllis pouvait se fier. Il lui fallait plus et mieux. Mais de peur d'être refusée, elle se garda de lui dire ce qu'elle espérait obtenir. Ce fut seulement quand elle eut réussi qu'elle parla. Tous les soirs, en sortant de chez Madame d'Amauville, elle venait lui raconter ce qu'elle avait appris. Et pendant 3 jours, son récit avait été le même. Elle ne peut pas quitter son lit. Et toujours, il lui avait fait la même réponse. C'est le froid. Certainement le temps va changer. À la fin de mars, cette gelée et ce vent ne peuvent pas continuer. Il était peiné de sa désolation et de son angoisse. Mais qui pouvait-il? Ce n'était pas sa faute si cette rechute se produisait juste au moment décisif. Le hasard avait été pendant assez longtemps contre lui. Il n'allait pas le contrarier au moment où il se mettait de son côté, en cédant au désir que Phyllis n'osait pas exprimer, mais qu'il devinait, et en acceptant de voir Madame d'Amouville. Le quatrième jour, quand elle entra dans son cabinet, il comprit tout de suite à son allure que quelque changement heureux pour Florentin s'était produit. « Madame d'Amouville s'est levée ? » dit-il. « Non. Je l'avais pensé à la vivacité et à la légèreté de ton entrée. C'est que je suis en effet bien heureuse. Madame d'Amouville veut te consulter. » Il lui prit violemment les deux mains en les secouant. « Tu as fait cela ? » s'écria-t-il. Elle le regarda épouvantée. « Toi, toi !» répétait-il avec une fureur croissante. « Au moins, écoute-moi, » murmura-t-elle. « Tu verras que je ne t'ai compromise en rien. »« Compromis ? C'était bien à la dignité professionnelle qu'il pensait, vraiment. « Je n'ai pas besoin de t'écouter, je n'irai pas. »« Ne dis pas cela. » Il ne manquait plus que de disposer de moi à votre guise. Victor ! La colère l'affolait. Je vous appartiens donc. Je suis donc ta chose. Tu fais donc de moi ce que tu veux. Tu décides et je n'ai qu'à obéir. C'en est trop à la fin. Tu peux partir, tout est fini entre nous. Elle l'écoutait anéantie, mais ce dernier mot qui la frappait dans son amour lui rendit la force. À son tour, elle lui prit les deux mains et bien qu'il voulût les dégager, elle les retint dans les siennes. Tu peux me jeter à la figure toutes les paroles que t'arrache la colère. Tu peux m'adresser tous les reproches que tu trouves que je mérite. Je ne me révolterai pas. Sans doute, j'ai des torts envers toi, et je sens toute leur portée en voyant combien profondément tu es blessé. Mais me chasser, me dire que tout est fini entre nous. Non, Victor, tu ne feras pas cela. Tu ne le diras pas, car tu sais que jamais homme n'a été aimé comme je t'aime, adoré, respecté. Et volontairement, de parti pris, « même pour sauver mon frère, je t'aurais compromis. » Il la repoussa. « Va-t'en » dit-il durement. Elle se jeta à ses genoux et, retenant les mains qu'il lui retirait, elle les embrassa désespérément. « Mais écoute-moi » s'écria-t-elle. « Avant de me condamner, laisse-moi dire ce que j'ai pour ma défense. Quand même je serai 100 fois plus coupable que je ne le suis réellement, tu ne peux pas me repousser avec cette dureté impitoyable. « Va-t'en !» Tu perds la tête. La colère t'égare. Qu'as-tu ? Il est impossible que ce soit moi qui, par ma maladresse, par ma faute, te mette dans cet état d'exaspération folle. Qu'as-tu, mon bien-aimé ? Ces quelques mots firent plus que la soumission désespérée de Phyllis et que ses élans d'amour. Elle avait raison, il perdait la tête. Et si coupable qu'elle se trouvât envers lui, elle ne pouvait pas admettre, évidemment, que la faute qu'elle avait commise le jeta dans cet accès de folie furieuse. Cela n'était pas naturel, et il fallait que dans ses paroles comme dans ses actions, tout fût naturel, tout fût explicable. « Eh bien, parle, dit-il, je t'écoute. Au surplus, il vaut encore mieux savoir. Parle donc. »